Marie-Claire n'est pas rassurée quand je conduis. J'ai beau lui dire qu'il n'y a rien à craindre, elle a peur. Elle n'est pourtant pas nerveuse. Mais nos parents ont été tués dans un accident de voiture. Alors je suppose que c'est naturel. Dès que je fais du sang, elle commence à trembler. Si je bavarde en conduisant, elle ne fait que répéter « Fais attention, tu ferais mieux de te taire. » Ça me rend furieux. Je plains le mari de ma sœur si elle se marie un jour. Elle a une très forte personnalité et elle est très intelligente. J'aurais préféré avoir une sœur un peu moins intelligente. Ah, voilà Paul Delon et Luc Houbet. Nous les emmenons passer le week-end avec nous, chez mon oncle André, qui a une propriété à 400 km de Paris. Nous y allons dans ma belle voiture.